بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous continuons cette série de cours dans ce magnifique ouvrage de l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى الأدب المفرد، avec l'excellente et magnifique explication de Cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Et on termine aujourd'hui le chapitre sur la désobéissance aux parents, bab uquq al-walidain. Et on est arrivé à la parole de l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Jarir an Abd al-Malik ibn Umair عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي، إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. والحديث حديث صحيح. Mohamed ibn Salam nous dit que Jarir nous a informé d'après Abdel Malik ibn Umair, d'après Warrad, le scribe d'Al-Mughira ibn Shu'bah, qui dit « Muawiyah a écrit à Al-Mughira, écris-moi ce que tu as entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Warrad dit « Il me dicta donc et j'écris de mes deux mains. Je l'ai entendu interdire de trop poser de questions et de gaspiller l'argent et les on-dits. » Et ce hadith, c'est un hadith authentique. Cheikh Zayd, il explique cela de cette manière, à la manière suivante. Il dit « في هذا الحديث دليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العلم الذي أوحاه الله إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان بعضهم يأخذ عن بعض ولا يمنعه شيء من حياء ونحوه بأن يطلب من أخيه من العلم ما ليس عنده مشافهة أو كتابة أو نحو ذلك، وهم أسوتنا لأنهم استفادوا من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصاهم بطلب العلم وحمل العلم ونشره، فلا يستطيع أن يحمل العلم أحد وينشره إلا إذا طلبه وأخذه عن أهله وأخذه عن أهله بجد واجتهاد ورغبة واحتساب. Il y a dans ce hadith la preuve de la diligence et de l'ardeur des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام quant à la science religieuse qu'Allah a révélée à son prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Et donc, des compagnons prenaient la science d'autres compagnons, et la pudeur ou autre ne les empêchait pas de demander à leurs frères une science qu'eux n'avaient pas, que cela soit oralement ou par écrit, etc. Ils sont des exemples à suivre car ils ont bénéficié des conseils du prophète alayhi salatu wassalam, qui leur a enjoint de demander la science et de la porter et de la diffuser. Personne ne peut porter la science ni la diffuser sans l'avoir demandée et prise de ces gens avec sérieux et effort et désir, en espérant la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, النهي عن الوقوع في ثلاثة أمور. Il y a dans ce hadith l'interdiction de tomber dans trois affaires, d'où le titre du cours d'aujourd'hui. Quelles sont ces trois affaires qu'il est interdit de commettre et d'y tomber? Al-amr al-awwal, la première affaire, katratu su'al. Wal muradu bis su'al al-manhi 'anhu ma kana fi 'asr an-nubuwwah. فالنهي عن السؤال عن الأشياء التي لم تحرم في شريعة الإسلام بل مسكوت عنها فربما يسأل السائل عن شيء مسكوت عنه فيحرم من أجل سؤاله فيترتب على ذلك الإثم فقد جاء في الحديث إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته أخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. Quelle est cette première affaire? Eh bien, c'est le fait de trop poser de questions. Alors, Cheikh Zayd ici va faire un long détail et il commence cela en disant « Le sens des questions interdites sont les questions à l'époque de la prophétie. L'interdiction était sur les questions au sujet des choses qui n'avaient pas été interdites dans la législation islamique, mais au contraire, il y avait le silence à leur sujet. Car il se pouvait que quelqu'un pose la question sur une chose au sujet de laquelle il y avait silence, puis qu'elle soit interdite en raison de sa question, et que donc en résulte un péché. Elle était rapportée dans le hadith, le pire des musulmans en termes de crime, c'est celui qui pose une question sur une chose qui n'était pas encore illicite jusqu'alors, puis devient illicite en raison de sa question. Et ce hadith, il est muttafaqun alayh, il est rapporté par Al-Bukhari, numéro 7289, et Muslim, numéro 2358, d'après Sa'd ibn Abi Waqqas, inkallah l'agré. هذا في عصر النبوة وما كان في عصر النبوة وبعد ذلك فإن كثرة السؤال المنهي عنه هو سؤال التعنت والتعجيز الذي يصدر من بعض الناس لأهل العلم ليظهر عجزهم وعدم قدرتهم عن الإجابة عن المسائل أو ربما تعلم شخص حكم مسألة من المسائل الشرعية وامتحن بها عالما من العلماء ليظهر عجزه وربما يبين السائل حكم المسألة هو بذاته فيظهر أو فيظهر فضله على المعلم الذي سأله وهذا إثمه عظيم لما فيه من عدم احترام العلماء ولما فيه من العبث لأنه سؤال تعنت وتعجيز وما كان يفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا اليهود ومن ولهم من الكفار. Ceci était à l'époque de la prophétie. Quant à ce qui était à l'époque de la prophétie, il est toujours aujourd'hui. Quant à l'interdiction de trop poser de questions, eh bien c'est le questionnement d'obstination et de complications pour autrui, qui émane de certaines personnes envers les gens de science, afin d'exposer, soi-disant, leur impuissance et leur incapacité à répondre sur ces sujets. Où il se peut qu'un individu ait appris un jugement d'une affaire parmi les affaires religieuses, puis teste au moyen de cette affaire un savant parmi les savants, afin de montrer son incapacité. Il se peut même que celui qui pose la question clarifie lui-même le jugement de cette affaire et que donc sa préscience sur l'enseignant auquel il a posé la question apparaisse et le péché de cela est immense. Pourquoi? En raison de ce que cela comporte comme manque de respect envers les savants et en raison de ce que cela contient comme frivolité. Car c'est une question d'obstination et de complication à autrui. Alors ici on va peut-être rapporter quelques exemples contemporains par rapport à ça. Il faut savoir que poser des questions, ça s'apprend chez les ulama, il faut être éduqué par les ulama, il faut chercher quelles sont les questions qu'on peut poser, les questions qu'on ne peut pas poser, comment est-ce qu'on les pose, quand est-ce qu'on les pose, etc. Mais il y a un exemple qui me vient directement en tête quand je lis ça, c'est notamment un individu qui avait téléphoné à Cheikh Obed al-Jabiri, hafidahullah, qui lui a posé une question, et qu'à la fin de la question, il n'a pas aimé la réponse de Cheikh Obed, ou alors il le testait, et puis il a dit à Cheikh, dans votre ilm et l'irja. Et je rappelle que l'irja, c'est de faire sortir les actions de la foi, alors que les actions font partie intégrante de la foi. Donc ça accusait, en fait, Cheikh Obed d'une bid'a. Ça, c'est un exemple de mauvais comportement. Et on voit l'intention de la personne lorsqu'elle a posé la question. Et des mauvais comportements comme ça, on peut en citer beaucoup. Notamment, mais ça, c'est pas une question, notamment, un individu qui était un haddadi. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le haddadi, pour revenir sur mes nombreux écrits sur mon site spfvirmigam.com, eh bien, il y a quelqu'un qui était le lecteur du livre que Cheikh Ben Baz, il expliquait. Et puis, à un moment, il a arrêté. Il lui a dit, pourquoi t'as arrêté? Il a dit, parce que je lisais ce livre pour dresser la preuve contre Cheikh Ben Baz. Wal'iyadu billah. Regardez l'intention de l'individu. Lui, dans sa tête, il sait mieux que Cheikh Ibn Baz et que Cheikh Ibn Baz, c'est un égaré. Et donc, il voulait lire ce livre, comme ça, il dresse la preuve, il fait Iqamat al-Hujja contre Cheikh Ibn Baz. Ça, c'est des mauvais exemples envers la science envers la science et les gens de science. Et qu'on vient de s'éduquer par rapport à ça. Et il y a des livres sur le adab du talib al-ilm, de celui qui demande la science islamique, chacun à son niveau, mais il y a des adabs à respecter, des bien-sciences de comportement, notamment Kitab al-ilm de Cheikh al-Uthaymin, ou bien Sharh Hilya talib al-ilm, ce qui est une explication de Cheikh al-Uthaymin aussi, rahimahullah, et ainsi de suite. Et beaucoup d'autres livres, notamment des livres de salaf, on ne va pas citer la liste ici, mais, alhamdoulilah, revenez aux paroles des savants, ils vous guideront, inshallah, et ils orienteront vers les livres et les audios, les écrits, etc., qui vont consulter par rapport à ça. On continue ici l'explication. L'histoire avec Cheikh Ibn Baz que j'ai raconté, l'anecdote, elle est citée dans l'Ajwiba al-Mufida, An As'ilat al-Manahij al-Jadida de Cheikh al-Fawzan. On continue. وهذا إثمه عظيم لما فيه من عدم احترام العلماء ولما فيه من العبث لأنه سؤال تعنت وتعجيز وما كان يفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا اليهود ومن ولاهم من الكفر ومن والاهم من الكفار كما في قوله تعالى كما في قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ذلك أنه لما كانت كلمة الروح يعرف عنها اليهود أنها تطلق ويراد بها أكثر من معنى سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو أوعزوا إلى نفر من الكفار ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها قالوا بأي واحدة أجاب عنها نقول لا المقصود كذا يعني ليظهروا عجز النبي صلى الله عليه وسلم لخبثهم إذ كلمة الروح ويسألونك عن الروح تطلق ويراد بها جبريل عليه السلام كما في قول الله تعالى نزل به الروح الأمين وتطلق ويراد بها أرواح المخلوقات كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المتوفى من بني آدم إذا وضع في قبره فتعاد إليه روحه وتطلق ويراد بها القرآن الكريم كما في قوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فغرضهم من هذا السؤال أنهم إن أجابهم بواحدة من هذه الثلاث قالوا لا نريد هذا نريد غير هذا لهذا ولذلك لا يجوز امتحان العلماء بأسئلة قد لا تدعو الحاجة إليها ربما يكون الغرض منها إظهار عجز العالم عن بعض مسائل العلم فمن قل نصيبه من العلم واحترام العلماء يزهد في العالم بعد ذلك. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole de Cheikh Zayd qui est très importante ici aussi? Il dit, seuls les juifs et leurs alliés parmi les mécréants commettaient cela à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Comme dans la parole d'Allah, le Très-Haut, dans la traduction du sens est, et il t'interroge au sujet du ruh, l'esprit. Dit, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur. Al-Isra 85. Car les juifs, comme ils savaient que le mot ruh, esprit, avait plusieurs sens, ils ont alors questionné le prophète, salallahu alayhi wa sallam, à son sujet, ou ils ont ordonné à un groupe de mécréants de questionner le prophète, salallahu alayhi wa sallam, à ce sujet. Ils ont dit, quoi que le prophète réponde, yani quoi qu'il réponde, nous allons dire, non, le sens c'est ça, c'est autre chose. C'est-à-dire afin de démontrer selon eux l'incapacité du prophète, alayhi salatu wassalam, en raison de leur méchanceté. Car le mot ruh, l'esprit, il t'interroge au sujet de l'esprit, il est utilisé pour Jibril notamment, que la salutation d'Allah soit sur lui. Comme dans la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens est, et l'esprit fidèle est descendu avec cela. Surat Ash-Shu'ara, verset 193. Et ce mot est aussi utilisé pour les âmes des gens, comme dans la parole du prophète au sujet du défunt. Parmi les fils d'Adam, que lorsqu'il est placé dans la tombe, son âme, ruh, lui est rendue. Et ce mot est utilisé aussi dans le sens du noble Coran, comme dans la parole d'Allah, dans la traduction du sens est. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Surat Shura, verset 52. Donc, leur intention dans cette question est que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond par l'un de ces trois sens, ils diront, nous ne voulions pas parler de ce sens-ci, mais plutôt de ce sens-là. C'est pour cette raison qu'il est interdit de tester les savants au moyen de questions dont il se peut qu'il n'y ait pas de nécessité de les poser. Et il se peut que l'intention soit de montrer l'incapacité des savants dans certains sujets religieux. Et donc le résultat serait que des gens ayant peu de science et peu de respect pour les savants se passent du savant après cela. Puis Cheikh Zayd, il continue, rahimahullah ta'ala, en disant: كذلك السؤال الذي لا فائدة من ورائه لا يجوز أن يوجه للعلماء لأنه لا يترتب عليه فائدة تتعلق بدين الله تبارك وتعالى فما بقي إلا ما أوجب السؤال عنه وما جاز السؤال عنه والذي يجب السؤال عنه هو أمر الدين أصولا وفروعا وحقوقا وفرائض وواجبات ومستحبات ومحرمات ومكروهات هذا يجب على المسلمين أن يسألوا عنه العلماء ونتذاكروا دائما وأبدا في هذه الأبحاث وهذه الموضوعات المهمة التي تتعلق بأمر دينهم فالسؤال عن ذلك واجب والسؤال عن المباحات وعن ما هو من فروض الكفاية جائز للإنسان أن يسأل عنه العالم بحسن نية لأجل إظهار العلم والاستفادة من العلماء وتدوين مسائل العلم لمن يعيش بين أظهرهم ولمن يأتي بعد ذلك. De même pour la question qui n'a aucun intérêt, cela n'est pas permis de la poser aux savants, car il n'y a aucun bénéfice lié à la religion d'Allah le Très-Haut qui en découle. Il ne reste donc que les questions qu'il est obligatoire de poser et les questions qu'il est permis de poser. Les questions qu'il est obligatoire de poser sont les questions sur les affaires de la religion en termes de fondements et de branches qui découlent des fondements, et de droits et d'obligations et de recommandations et d'interdits, et de choses makrouhat, détestables, etc. À ce sujet, il est obligatoire aux musulmans de questionner les savants et qu'ils révisent toujours ensemble ces sujets de recherche religieuse importants qui ont trait à la religion à la fois. Questionner à ce sujet est obligatoire. Au sujet des choses permises et au sujet des affaires qui sont de l'ordre de l'obligation communautaire, il est permis de questionner le savant avec une bonne intention, afin de clarifier la science et d'apprendre des savants, et de compiler les sujets scientifiques religieux pour ceux qui vivent parmi les savants et pour ceux qui viendront après eux, comme c'est la méthodologie des savants qui ont écrit des ouvrages. Comme هي طريقة العلماء الذين صنفوا المصنفات وقد يفرض بعض المسائل فرضا بحيث لو نشأت يكون قد سبقت لها الحلول كما هي طريقة الفقهاء في فروع المسائل والأحكام وكم من فوائد عظيمة في المؤلفات التي ألفها العلماء في فروع المسائل وفي أصول المسائل وهذا التفصيل ينبغي أن يعرف من السؤال. Et donc de compiler les sujets scientifiques religieux pour ceux qui vivent parmi les savants et pour ceux qui viendront après eux, comme c'est la méthodologie des savants qui ont écrit des ouvrages. Et il se peut qu'ils aient traité d'affaires hypothétiques qui, si elles venaient à se produire, les gens auraient alors des solutions, comme c'est la méthodologie des savants du fiqh, les fuqaha, dans les branches des sujets et des jugements. Combien d'immenses enseignements se trouvent dans les ouvrages écrits par les savants, dans les branches des sujets et dans les fondements des sujets? Il convient donc de connaître ce détail quand on question. Ça, c'était la première affaire des trois affaires qu'on traite aujourd'hui. Quelle est la deuxième affaire qui est interdite? Après avoir vu la première en détail par rapport aux questions, au fait de poser trop de questions, etc. L'amr thani, al-nahyu an ida'ati al-mal. Wa yajibu an yu'lam an al-mal huwa malu Allahi azza wa jal. A'tahu wa yu'tihi man sha'u min ibadih. Sawa'un akana salihan an taliha. فإن كثرة المال عند الشخص لا تدل على صلاحه ولا على فساده وإنما الله عز وجل يعطيه بمقتضى حكمته من شاء من عباده يوسع عليه الرزق ومن شاء يضيق عليه ومن شاء أن يكون بين ذلك فالحكم لله تبارك وتعالى هو الذي يقسم بين العباد أرزاقهم لهذا أنكر الله تبارك وتعالى على الكفار الذين اعترضوا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون فهو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء، فوجب الرضا بقسمة الله تبارك وتعالى. فلا يجوز الحسد من بعض الناس لبعض، أي لا يجوز للفقير أن يحسد الغني، وربما يتفوه فيقول هذا لا يستحق، وذلك اعتراض على الله عز وجل، فالله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب من عباده ذكورا وإناثا. Quelle est cette deuxième affaire? L'interdiction de gaspiller de l'argent. Il est obligatoire de savoir que l'argent est l'argent d'Allah le Très-Haut qu'il a donné et qu'il donne à qui il veut parmi ses serviteurs, qu'il soit vertueux ou mauvais. Car la grande quantité d'argent chez un individu n'indique pas sa vertu ni sa corruption. Mais au contraire, Allah le Très-Haut donne en fonction de sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Et donc il accroît à qui il veut la subsistance et il rend la subsistance étroite à qui il veut. Et il donne entre les deux à qui il veut. Et donc le jugement appartient à Allah le Très-Haut. Car c'est lui seul qui divise la subsistance entre les serviteurs. C'est pour cela qu'Allah, exalté soit-il, a blâmé les mécréants qui se sont opposés à la prophétie de Mohammed a.s. par sa parole dont la traduction du sens est « Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres afin que les uns prennent les autres à leur service. » La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux, cependant, que ce qu'ils amassent. Surat Zukhruf, verset 32. Il accorde donc la subsistance à qui il veut, et il prédestine à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire d'être satisfait de la répartition d'Allah le Très-Haut, et il n'est pas permis d'être jaloux les uns envers les autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis aux pauvres d'être jaloux du riche. Il se peut que le pauvre dise que le riche ne le mérite pas, et ceci est une opposition à Allah le Très-Haut, car Allah donne la vie mondaine. Ça, c'est une règle importante à retenir. Car Allah donne la vie mondaine à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Mais il ne donne la religion qu'à ceux qu'il aime parmi ses serviteurs, mâles ou femelles. Ala wa inna hada al-mal alladhi atallahu man sha'a min a'tallahu man sha'a min 'ibadihi la yajuzu li ahadin an yatasarrafa fihi bi infaqihi fi wujuh al-haram aw ya'khudahu min wujuh al-haram سواء في المعاملات أو في الغش أو في السرقة والنهب والاختلاس والغصب والربا، كل هذه الطرق إذا سلكها من يطلب المال فإنه جنى على نفسه وأتى بأسباب العقوبات العاجلة والآجلة، فلا يطلب المال إلا من وجوه الحلال، ولا حرج أن يكثر بين يدي المسلم إذا عرف حق الله فيه بأن أخرج زكاته وكل ما يلزم في المال وواسى منه من يستحق العطف عليه فهو خير له، كذلك يصرفه في وجوه الحلال ولا يتجاوز الحلال إلى الحرام كما يفعله من قل نصيبه من خشية الله عز وجل، كالذين يأكلون به المحرمات كالمسكرات والمخدرات وما لا يحل لهم، فإنفاق المال في الحرام حرام وإثم، لأن المال مال الله كما قال الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم سورة النور verset 33 وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فصاحب المال مستخلف فيه ليعرف حق الله فيه وكيف يعمل فيه وإذا سئل العبد عن عمره وعن شبابه وعن علمه سئل عن ماله سؤالين من أين اكتسبه وفيما أنفقه وهذا دليل على خطر مسألة المال. Et on va s'arrêter là et puis on continuera après, Inch'Allah. Qu'est-ce que Cheikh nous explique ici dans cette deuxième affaire qui est interdite par rapport à l'argent? Il dit, cet argent qu'Allah le Très-Haut donne à qui il veut parmi ses serviteurs, il n'est permis à personne de le dépenser dans ce qui est illicite, ni de l'acquérir par des voies illicites, haram, que cela soit dans les transactions, ou en trichant, ou en volant, ou en pillant, ou en détournant, ou en usurpant, ou en pratiquant l'usure, etc. Toutes ces voies, si la personne qui cherche la subsistance les prend, il aura alors commis un crime envers sa propre personne. Il aura pris les causes des châtiments précipités dans ce bas monde et retardés dans l'au-delà. Il ne faut donc chercher la subsistance que par les voies qui sont licites. Il n'y a aucun mal à ce que cet argent s'accroisse chez le musulman, s'il connaît le droit d'Allah dans cet argent, en donnant l'aumône légale prescrite obligatoire, la zakat, et tout ce qui est nécessaire, et quand il en utilise afin de réconforter ceux qui méritent qu'il éprouve de la compassion envers eux. Alors cela est un bien pour lui. Il le dépense également dans les voies licites. Elle ne dépasse pas les limites du licite vers l'illicite, comme le font certains qui ont peu de crainte d'Allah le Très-Haut, à l'exemple de ceux qui utilisent cet argent pour consommer des produits illicites, comme les boissons alcoolisées et les drogues. Et quand on parle de drogue ici, on parle de toutes les drogues. C'est pas les... Non, ils s'inventent des adjectifs pour essayer de changer la réalité. Comme on dit chez les ulama. Les ulama disent, ça c'est une règle, ils disent que les noms ne changent pas les réalités des choses. C'est-à-dire que tu peux appeler les choses tant que tu veux pour essayer d'amoindrir la chose, la réalité ne change pas. Quand ils disent, c'est des drogues récréationnelles, c'est des drogues douces, c'est des drogues relaxantes, etc. En parlant du cannabis et du hashish, etc. Ça, c'est des drogues qui sont interdites. C'est interdit ça en islam. Ou alors ils vont dire non, c'est des drogues naturelles parce qu'elles sortent de la terre, etc. Subhanallah al-Adim. Parce que sort de la terre, ça y est, Allah, c'est autorisé. Allah Azzawajal l'a interdit. Toi, tu veux essayer de venir autoriser ce qui est rendre licite. Et, ou juger licite ce qu'Allah Azzawajal a jugé comme étant et rendu illicite. Donc ici, le cheikh il dit, comme les boissons alcoolisées et les drogues, et ce qui ne leur est pas permis. Dépenser l'argent dans l'illicite est illicite. Et c'est un péché, car l'argent est l'argent d'Allah le Très-Haut. Comme Allah l'a dit, et dont la traduction du sens est, et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Sourate Nour, verset 33. Pour les frères et les sœurs qui ont le livre, la même édition que moi ici, Dar al-Mirath Nabawi, il y a une erreur, c'est Sourate Nour 33, c'est pas Zuhruf, c'est Nour. Wallah alam. Dans le verset précédent que j'ai cité de Zuhruf, c'est 32, pas 22. On corrige ça, barakallahu fikoum. Un autre verset où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la traduction du sens est dépenser de ce dont il vous a donné la lieutenance. Wa anfiqum mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Surat al-Hadid, verset 7. Celui qui a de l'argent, la lieutenance lui en a été confiée, afin qu'il sache le droit d'Allah dans cet argent et qu'il sache comment l'utiliser. Lorsque la personne sera questionnée sur son temps de vie et sa jeunesse et sur sa science, elle sera questionnée au sujet de son argent. Deux questions. D'où l'a-t-il obtenu et dans quoi l'a-t-il dépensé? Ceci est une preuve de la dangerosité de l'affaire de l'argent. Et qu'Allah nous facilite tous. Allahu musta'an. Cependant, ici, ça fait partie du bon enseignement de Cheikh Zayd, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde en récompensant bien, ce grand savant de la sunna, rahmatullah alayh. Il donne une solution. Il dit وَتَجَنُّبُ هَذَا الْخَطَرْ مِنْ وَجْهِنْ. Il dit, s'écarter de ce danger se fait sous deux angles. C'est-à-dire qu'il te donne une voie sous deux angles ici pour t'écarter de ce grave danger. الوجه الأول من ناحية كسبه يجب أن يكون من وجوه الحلال لا حرام فيه ولا شبهة فيه. Le premier angle, l'angle de l'obtention de cet argent. Il est obligatoire que cela soit par des voies qui sont licites, dans lequel il n'y a pas d'illicite ni ambiguïté. C'est-à-dire que il y a des choses où on sait que c'est illicite, on évite. Il y a des choses où il y a une ambiguïté, on évite aussi. Mais quand en est-il alors qu'il y a des choses où on sait que c'est illicite 100% et malgré ça on le fait? Et on pourrait en citer des exemples comme des transactions, c'est du mensonge, de la triche, etc. Ou bien des gens qui ont des conditions de contrat et qui, et malgré ça, ne respectent pas les conditions du contrat, ils trichent, ils mentent, etc. Et malheureusement, on peut même trouver certaines personnes qui s'affilent à la sunna et qui suivent les ulama de la sunna et qui tombent dans ce genre de péché, dans ce genre de tricherie, etc., etc. Et certains même, ils vont dire « Oh, mais c'est pas grave, c'est l'État, c'est l'État de koufar, ou bien c'est des gens, c'est des koufars, etc. » Subhanallah, l'islam, il est pas venu avec la justice dans tout. Subhanallah, il est quitté avec tout le monde. Parce que si c'est pas des musulmans, alors c'est « Ikhlas, on peut mentir, tricher, etc., etc. » C'est quoi cette compréhension de la religion, subhanallah? C'est en vérité, c'est essayer de se trouver des excuses là où il n'y en a pas en vérité. Deuxième angle pour s'écarter de ce danger, Cheikh dit, « الواجه الثاني أن ينفق في الحلال كالواجبات والمستحبات والمباحات التي لا يدخل منها إلى إثم والواجبات هي النفقات على النفس وعلى من يعول وعلى من يتعلق به فتجب نفقته عليه كذلك إخراج الحقوق الشرعية منه كالكفارات والنذور والزكوات حتى تبرأ الذمة من ذلك بخلاف من يعبث في المال ويتصرف فيه تصرفات لا يقرها الشرع ولا يسلم من عقوبات العاجلة والآجلة. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. Quel est ce deuxième angle ? Eh bien, le premier angle, c'était l'angle de l'obtention de cet argent. Le deuxième angle, c'est de dépenser l'argent. C'est-à-dire dépenser l'argent dans ce qui est licite, comme les obligations et les actes recommandables et les choses permises par lesquelles il n'entre pas vers un péché. Les obligations sont, par exemple, les dépenses personnelles et pour ceux qui sont à sa charge, comme ton épouse, tes enfants, etc. Mais ceux qui sont attachés à lui, il est obligatoire de dépenser pour eux. De même pour l'acquittement des droits légiférés, comme les expiations et les vœux pieux, un nodour, et les aumônes légales prescrites obligatoires, zakawat, afin que sa responsabilité en soit dégagée. Contrairement à ceux qui jouent avec l'argent, et font avec cet argent des choses qui ne sont pas approuvées par la religion, et qui ne sont pas à l'abri de châtiments précipités dans ce bas monde, et de châtiments tardifs dans le-delà. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de gaspiller l'argent. Troisième affaire, parmi les trois affaires qui sont interdites dans ce hadith, et par laquelle on va terminer aujourd'hui, inshallah, ce cours. وعن قيل وقال وهذا هو الأمر الثالث ألا وإن القول الصادر من المكلف لا يخلو من حالين إما أن يكون له وإما أن يكون عليه أي إن كل قول يصدر من المكلفين إما أن يكون في صحائف حسناتهم كذكر الله وما والاه مما ينطق به اللسان وما يوالي الذكر كثير لا يدخل تحت الحصر في مقام كهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة وإزداء الخير وتوجيه الضال وتعليم المسترشد وتوجيه الناس هذه الأقوال كلها منها الذكر ومنها ما يتعلق بذكر الله عز وجل ويواليه وإما أن يكون على أصحابه إذا كان من المحرمات أي من أقوال اللسان المحرمة وهي خطيرة جدا ككلمات الكفر وكلمة الشرك وكلمات النفاق والزندقة التي قد تصدر من شخص من الشخص بدون أن يحسب لها حسابها وكلمات الغيبة أو كلمات الغيبة والنميمة الغيبة والنميمة والكذب والبهت للناس والثرثرة التي ليس من ورائها إلا الإثم لذا وجب على المكلف مراقبة اللسان مراقبة دقيقة لمن يريد أن يفك نفسه من شر اللسان وحصائده. La troisième affaire, c'est les on-dits. Qu'il wa qal. Les paroles qui émanent de ceux qui sont responsables de leurs actes ne sortent pas de deux situations. Soit ces paroles sont pour eux, soit ces paroles sont contre eux. C'est-à-dire que toutes les paroles qui émanent de ceux qui sont responsables de leurs actes sont soit dans le registre des bonnes actions, à l'instar du dhikr et de ce qui en suit parmi les choses prononcées par la langue. Et ce qui suit le dhikr est nombreux. Elle ne peut être citée de manière exhaustive dans ce genre d'explication. Comme par exemple, à titre d'exemple, ordonner le convenable, interdire le blâmable, le conseil nansiha, dire le bien, orienter l'égaré, enseigner à celui qui cherche à savoir, orienter les gens, etc. Toutes ces paroles, il y en a qui sont du dhikr, il y en a qui sont des paroles qui suivent le dhikr et ont trait à lui. Soit ces paroles sont contre les personnes qui les ont dites, si elles font partie des interdits, c'est-à-dire partie des paroles illicites, et elles sont très dangereuses, comme les paroles, par exemple, de mécréance, les paroles de polythéisme, les paroles d'hypocrisie et d'hérésie, qui peuvent émaner d'un individu sans qu'il n'en prenne juste mesure. Ainsi que les paroles de médisance, et de colportage de médisance, et de mensonge, et de calomnie des gens, et de ragots derrière lesquels il n'y a rien d'autre que le péché. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on retrouve même sur certaines personnes qui savent fidèle à la sunna. Maintenant, aujourd'hui, l'honneur des gens, il est devenu rachis, comme ils disent nos mashaykhs. Rachis, c'est devenu très bon marché. Comme dans la fitna de Mohamed Ben Hadid, ses suiveurs maintenant, Cheikh Abdel Bukhari, comment il a appelé le grand savant de Médine? Il a dit, Cheikh Abdel Bukhari, il a appelé fitnat al-kadhabin. C'est la fitna et l'épreuve, la fitna, les troubles des menteurs. Maintenant, khlas, les gens, ils mentent et en plus, maintenant, c'est décuplé de manière exponentielle avec l'Internet et les nouvelles technologies. Avec le WhatsApp, avec le Twitter, avec l'Instagram, avec le Facebook, avec le Telegram, avec les pages Internet, les sites, etc. Quelqu'un, il dit une parole, ou il met sur son, même sur son téléphone en WhatsApp, en story, ou là, je sais pas, ou là, etc. Et voilà, c'est propagé de manière exponentielle sans même que lui-même s'en rende compte. Pourquoi ? Parce qu'il a entendu une sœur qui a dit, ou un frère qui a dit, qui aurait dit que, etc., etc., etc. Alors que nous, on a des règles très précises en islam par rapport à ça. Mais soit on ne les connaît pas, on est des ignorants, on ne veut pas les appliquer, on ne veut pas les apprendre, et donc on ne sait pas les appliquer. Soit on les connaît, mais on est malade du cœur et on ne veut pas les appliquer parce que ça rentre dans nos intérêts, parce qu'on veut absolument détruire une personne. Wal'adou billah. Et ça, c'est nasiha pour nous tous. Parce que nous tous, on dit, ouais, il faut se taire, etc. Et peut-être que nous, parmi les premiers, ou certains d'entre nous font partie des premiers qui sont là à parler, à rapporter les ragots, et tu as entendu ceci, tu as entendu cela, il paraît que ceci sur un tel, il paraît que ceci sur une telle, etc., etc., etc. Et après, qu'est-ce qui se passe? Hasa'idul al-alsun. C'est les récoltes, les moissons des langues. Tu vas récolter la moisson de ce que toi t'as semé. Attention. C'est pour cela qu'il est obligatoire. C'est pour ça que Cheikh il dit ici, les ragots derrière lesquels il n'y a rien d'autre que le péché. C'est pour cela qu'il est obligatoire à celui qui est responsable de ses actes de contrôler sa langue d'un contrôle précis pour celui qui veut se libérer du mal de la langue et de ses récoltes, les récoltes de ses moissons. Les pieux prédécesseurs ont compris ce sens. Écoutez ce qu'ils disent Salaf, nous qui nous disons, nous attribuer, nous affilier au Salaf et essayer de les suivre, etc., les prendre pour exemple. وَقَدْ عَرَفَ السَّلَفُ هَذَا الْمَعْنَى فَقَالَ قَائِلُهُمْ ma min shay'in ahaqq bi sijn min al-lisan ay tusjinuhu fala tutliqhu illa fi al-khair yani qul ma shi'ta min aqwal al-khair ka qira'ati al-quran wa qira'ati al-'ilm wa badli an-nasa'ih kal-amri bil-ma'ruf wan-nahy 'an al-munkar wal-kalam fi al-ashya' al-mubahah allati laka fiha gharad min an-nas ma ikhtilaf tabaqatihim hada kulluhu yu'jaru 'alayhi al-insanu ma ihtisab al-ajri fihi wa yakunu hada al-'udw الذي هو اللسان قد استعملته فيما خلقه الله تبارك وتعالى من أجله وهكذا العبادات أفضل العبادات لا تصح إلا بما نطق به اللسان أو أمر به الشرع فانظر إلى الصلاة كم فيها من أقوال منها الركن ومنها الواجب ومنها المستحب كل هذا ينطق به اللسان فهو من حسناته التي أنعم بها الله عز وجل على الإنسان. Les plus prédécesseurs ont compris ce sens et l'un d'entre eux a dit « Il n'y a rien qui soit plus en droit d'être emprisonné que la langue. » C'est-à-dire que tu emprisonnes ta langue et ne la libères que dans le bien. C'est-à-dire, dis ce que tu veux comme parole de bien, comme l'arrestation du Coran et la lecture de la science religieuse islamique et le conseil et ordonner le convenable et interdire le blâmable et les paroles sur des sujets licites dans lesquels tu as besoin avec les gens en fonction de leurs différents niveaux. Tout cela, la personne est récompensée si elle le fait en espérant la récompense auprès d'Allah. Donc cette partie du corps qui est la langue, tu l'auras utilisée dans ce pourquoi Allah, le Très-Haut, l'a créé. Il y a certains de nos frères et plus souvent certains de nos sœurs. À peine tu arrives à la mosquée, à peine la sœur elle arrive dans un merkez islamique, ou à peine elle arrive, elle rencontre une sœur au marché, ou là je ne sais pas où, elle rentre chez une sœur, dans un groupe de sœurs, etc. À peine, et Allah, khlas, directement, t'as entendu sur un tel, t'as entendu sur une telle, t'as entendu ceci, t'as entendu cela, on m'a rapporté ceci, on m'a rapporté cela, regarde le WhatsApp, regarde Hadi, regarde cela, regarde kada, kada, kada. S'il y a des gens qui sont comme ça, la vérité, c'est qu'il faut leur faire conseil. S'ils ne changent pas, il faut les éviter, khlas, il faut préserver sa religion. Et ça, c'est un autre problème qu'on a beaucoup, c'est que c'est le problème de l'amr ma'ruf ou n'a'il munkar. On n'ordonne pas assez le bien, on n'interdit pas assez le mal. Si une assise où il y a du mal, tu ne peux pas rester dans cette assise, sauf si tu fais le conseil et que les gens ils arrêtent. Sinon, après, tu dois te lever, tu dois partir. Sinon, tu es partie intégrante et tu partages le péché avec ces gens-là. Et les ulama, les mashir, ils ont dit que les groupes de WhatsApp et autres, ils ont le même hukm que les assises de manière physique, en réel. C'est pas parce que tu es sur WhatsApp que tu n'es pas responsable de ce que tu écris, de ce que tu dis, de ce qui se fait, etc., etc. Wallah al-musta'an. Donc ici, le cheikh, il dit, c'est-à-dire que si tu veux, comme parole, tu emprisonnes ta langue et ne la libères que dans le bien. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Tu emprisonnes ta langue et ne la libères que dans le bien. Ce n'est pas le contraire. Tu l'emprisonnes pour le bien et tu la libères que dans le mal. C'est pas ça. C'est-à-dire que dis ce que tu veux comme parole de bien. Comme la récitation du Coran, la lecture de la science religieuse islamique, le conseil, ordonner le convenable, interdire le blâmable. Les paroles sur des sujets licites dans lesquels tu as besoin avec les gens en fonction de leurs différents niveaux. Tout cela, la personne est récompensée si elle le fait en espérant la récompense auprès d'Allah. Et donc cette partie du corps, qui est la langue, tu l'auras utilisée dans ce pourquoi Allah le Très-Haut l'a créée. De même pour les actes d'adoration. Car les meilleurs actes d'adoration ne sont valides qu'au moyen de ce que la langue prononce et que la législation a ordonné. Regarde pour exemple la prière. Combien elle comporte de paroles dont certaines sont des piliers. On a fini sur l'autre salat, sur le abad. Certaines sont des piliers de la prière et certaines paroles sont des obligations et d'autres paroles encore sont recommandées. Tout ceci est prononcé par la langue. Et cela fait partie des bonnes actions par lesquelles Allah le Très-Haut a comblé la personne. Il est obligatoire de s'écarter de ce qui a été dit précédemment, au contraire maintenant. ويجتنب ما سبق ذكره من كلمات الشرك وكلمة الكفر وكلمة النفاق وكلمة الاعتداء والأذى كالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور وشهادة الزور والكلمات التي يقصد منها أن يضحك يقصد منها أن يضحك الناس عند سماعها كالتمثيليات الكاذبة التي ركنها الكذب. هذا كله ينبغي أن يراقب اللسان غاية المراقبة من النطق به. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم وبعباده أرأف وأرحم. Donc Cheikh il dit, et il termine par cela, cette excellente explication. Il est obligatoire de ce qui a été cité précédemment en termes de mauvaises paroles, comme, et c'est le plus grave, le politisme, parle de mécréance, d'hypocrisie. Et puis après cela, il y a aussi les paroles par lesquelles on s'en prend à autrui et on nuit à autrui. On porte préjudice à autrui. Comme la médisance, le colportage de médisance, le mensonge, la fausse parole, le faux témoignage. On a fait un très bon détail de Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Adil Ramadani dans notre dars de Nasih Al-Waladiyya de l'imam Abu Al-Walid Al-Bazi qu'on fait le lundi. C'était le dars passé de lundi passé, le cinquième dars. Demain, on fait le sixième, Inch'Allah Binillah Ta'ala, si je ne me trompe pas. Ainsi que les paroles qui sont dites avec l'intention de faire rire les gens, lorsqu'ils les entendent comme les pièces de théâtre mensongères dont le pilier est le mensonge. Un autre truc qu'on peut rajouter aussi, c'est un défaut que beaucoup de gens ont, c'est qu'on dit des choses qui sont fausses pour faire rigoler les gens. Ça, c'est interdit en islam. Le professeur Hassam l'a dit, « Waylou lilladhi yakdhib liyudhhik an-nas. » Le professeur Hassam l'a dit, « Malheur à celui qui ment pour faire rigoler les gens, pour faire rire les gens. » Après, quand tu dis, « Ah, c'est pas vrai. » »« Ah, c'est pour rigoler, c'est pour rire. » Maintenant, c'est pour rigoler maintenant, Hadji fait à rigoler. Le professeur m'a dit clairement, tu peux pas faire rire quelqu'un si c'est quelque chose de faux que tu dis, c'est interdit. T'appelles ça de l'humour, t'appelles ça tout ce que tu veux, mais c'est interdit, c'est la yajouz. Tout ceci, il incombe d'y contrôler la langue du plus grand contrôle afin de ne pas le prononcer et Allah est plus savant et plus sage envers ses serviteurs, plus doux et plus miséricordieux. وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب